Djinn. Les djinns, au singulier jinni, ne sont pas des anges déchus comme le croient par méprise certaines personnes. Allah le Très-Haut les a créés à partir de la flamme d'un feu sans fumée. Allah qu'il soit glorifié dit Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam a été créé de ce que l'on vous a décrit. » Hadith rapporté par Ahmed. Le premier djinni à avoir désobéi fut Iblis. Tant le Coran que la Sunna décrivent les djinns comme des êtres vivants à part entière, tout comme les humains, ils sont libres de croire ou non, d'accepter ou de rejeter la bonne direction. Allah qu'il soit glorifié, dit à leur sujet Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont pas. Nous avons suivi des chemins différents. Sourate al-Jinn, verset 11. Un groupe d'entre eux a écouté la récitation du Coran avec un grand respect et a cru. Voir Sourate al-Ahqaf, du verset 29 au verset 32. Les djinns sont des êtres ayant une forme, ils mangent, boivent, se marient et procréent. Ils sont capables de prendre différentes formes et d'accomplir des actes incroyables que les humains ne peuvent effectuer. Néanmoins, ils ne connaissent pas l'inconnu. Enfin, ils jouissent d'un certain libre arbitre, si bien qu'ils seront interrogés sur leurs actes.